La branche de lilas de Ouida. Revue des Deux Mondes, Paris, 1873. La branche de lilas. Quand après une période d'expansion et d'éclat, le roman semble se recueillir chez nous pour prendre sans doute un nouvel essor, n'est-ce pas une obligation de plus de rechercher si les littératures étrangères sont plus favorisées que la nôtre aujourd'hui ? Ce n'est pas que la fécondité leur manque, ni que le bruit et le retentissement fassent défaut autour de certains noms. Les succès de la femme distinguée qui se cache sous le pseudonyme de Ouida nous avaient même inquiétés d'abord par leur étonnante rapidité. Il nous semble encore qu'ils ont devancé l'entière éclosion d'un talent qui, après avoir flotté indécis pendant plusieurs années, vient enfin de trouver sa voie. Le recueil que nous avons sous les yeux en est un témoignage évident. Il est supérieur à ce roman de Puck, dont M. Fox a tiré déjà de jolis tableaux de mœurs anglaises. Supérieur surtout à ses premiers romans, Strathmore, Chandos, Under Two Flags, où la vivacité de l'invention ne suffisait pas à racheter l'invraisemblance des événements, des hardiesses d'un goût douteux et une violence de pinceau qu'on aurait tort de confondre avec l'énergie. Ouida n'a jamais été de ces romanciers, nombreux en Angleterre, dont les œuvres peuvent être mises dans toutes les mains. Elle scandalise ses compatriotes par des audaces dont ils n'ont pas l'habitude. Certes, les Dickens et les Thackeray, auxquels on l'accuse de se croire supérieure, eussent hésité devant les sujets qu'elle choisit volontiers. On va jusqu'à lui attribuer cette réponse caractéristique faite à ceux qui la blâmaient d'alarmer ses chastes lectrices par le dédain du mariage et par des peintures trop vives des entraînements du cœur ou trop indulgentes des faiblesses masculines. « Je n'écris pas pour les femmes, j'écris pour les militaires. » C'est à cette catégorie de lecteurs qu'elle a probablement voulu consacrer le joli type de « cigarette », une vivandière de l'armée d'Afrique, l'héroïne de son roman « Under Two Flags ». Ouida témoigne à la France, chaque fois que l'occasion s'en présente, de chaleureuses sympathies. Elle lui appartient d'ailleurs par sa famille, qui en est originaire, et même par ses qualités littéraires. L'esprit souple, mordant, indépendant, aventureux, une grâce à part, mondaine et cavalière, je ne sais quelle fougue l'emporte bien loin du domaine de la froide morale émaillée de citations bibliques, domaine ordinaire de la plupart des femmes auteurs en Angleterre. Il lui reste à se corriger d'une certaine tendance au paradoxe qui va jusqu'à lui dicter une espèce d'apologie de la commune qu'évidemment elle n'a pas vue de près. Cette réserve faite, nous croyons pouvoir offrir au lecteur de la revue le récit ému, passionné, que Mademoiselle de la Ramée a intitulé « La branche de lilas ». Ce récit, où l'adultère, si longtemps proscrit par les romanciers anglais, est abordé résolument et poussé à ses dernières conséquences, nous paraît donner la mesure de l'influence qu'exerce depuis quelques années notre littérature sur celle de nos voisins, et qu'un critique a comparé à la transfusion du sang. Personne n'a subi cette influence plus vivement que le romancier connu sous le nom de Ouida. La verve de son style, la témérité naturelle de sa brillante imagination, une légèreté de plume, enfin, rare en son pays, lui permettent de s'aventurer mieux qu'un autre dans ces régions périlleuses dont l'exploration nous a valu tant d'anathèmes, de ceux-là même qui finissent par nous imiter. George Sand a souvent inspiré Ouida. L'imitation était surtout flagrante dans ce roman d'Idalia, dont l'héroïne, une sorte de Circé républicaine, courtisane de réputation, vierge de fait, se sert des filtres de sa beauté pour gagner des partisans à la cause italienne.